occasion. Il est besoin d'un gueule parce qu'on lui manque de respect. Ou qu'il se mette à suivre les autres pour faire son identité. Qu'il apprenne loin des peines et voit d'autres.